Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 1. Les élections et la tempérance. Toutes les forces du Parti républicain, comme du Parti démocratique, sont à se grouper pour les prochaines élections. Ce travail exige la coopération des hommes politiques de haute expérience, cette année surtout, car il s'agit de combattre et d'anéantir un nouvel élément, ou de le faire triompher. Les républicains ont entrepris la première tâche et, naturellement, les démocrates sont emmanchés avec la seconde. Pour nommer cet élément, il a fallu avoir recours à un mot nouveau, nommé « butlerisme », et que nous empruntons aux journaux anglais. Pour tout homme quelque peu au courant de la politique du Massachusetts, ce néologisme dit tout. Pour ceux qui ont besoin d'être initiés, nous devons ajouter qu'il s'agit de faire déguerpir ou de conserver notre gouverneur actuel, un homme astucieux, plein de ressources de toute nature, faisant peu de cas des principes et mettant vertement en pratique ses idées personnelles, allant à établir que la fin justifie les moyens. Les nécessités de l'existence et du bon fonctionnement de tout gouvernement républicain exige pour le moins la présence de deux grands partis politiques pour maintenir dans la modération le pas de ceux qui veulent marcher trop vite et mettre en mouvement ceux qui ne voudraient pas avancer du tout. Quand l'intérêt ou l'ambition ne s'en mêlent pas, un chacun se place instinctivement à la tête ou à la queue du mouvement social, suivant la nature de son tempérament ou de ses idées. Et chacun travaille, tirant de l'avant ou de l'arrière, pour amener le grand char de la civilisation dans la direction qu'il croit être la meilleure. En se plaçant à ce point de vue, la politique est belle et recommandable parce que républicains comme démocrates font leur possible pour arriver aux meilleurs résultats. L'action des démocrates est détestable pour la montée, mais bienfaisante pour la descente. Celle des républicains revêt les mêmes caractères dans le sens contraire. C'est pourquoi ceux qui attribuent tout le mal à un parti politique et tout le bien à l'autre sont des têtes creuses qui ne comprennent pas le premier mot des nécessités requises pour la bonne marche des affaires publiques dans tout pays qui a l'avantage de se gouverner soi-même. Mais ceci, c'est de la politique idéale dans toute sa pureté et que des bonnes gens seuls professent. Il y a, à côté, la politique hideuse de l'ambition et de l'intérêt, la politique repoussante de ces hommes qui, sans se soucier si c'est bien ou mal ou s'ils possèdent les qualités requises, profitent de tout moment d'agitation et de division pour s'imposer et s'insinuer partout. C'est dans un moment semblable et alors que le pays contestait avec raison toute existence au butlerisme que ce non-sens politique a pris naissance. La date néfaste de ce fatal événement remonte à un an. On se demande quels sont les principes et les idées qu'ils représentent. Cette question est plus facile à poser qu'à résoudre, à moins qu'il ne soit permis de juger le butlerisme par ses œuvres. Le printemps dernier, l'État a été scandalisé par une conception infâme, cherchant à faire de la réclame personnelle au détriment de l'honneur public. Avant que Butler soit gouverneur, il n'y avait, suivant lui, que des iniquités dans l'administration des affaires de l'État. Il n'y avait pas une pierre dans le chemin qui fût à sa place. Aujourd'hui qu'il l'est, il ne peut réussir en rien pour justifier ses accusations. Mais pour arriver à se débarrasser de cette calamité, le Parti républicain mettra à profit toutes ses ressources, et elles sont nombreuses. L'année dernière, l'alliance avec les hommes de la tempérance ne lui a pas porté bonheur. Cette alliance, quoique très honorable, fait un mauvais ménage avec les questions politiques. il est toujours convenable de laisser chaque chose à sa place. Nous avons une loi pour régler le commerce des boissons. Qu'on mette autant que possible ce commerce en des mains honnêtes. Rien de mieux. Mais de là à le supprimer totalement, il y a un pas immense que des hommes sensés ne songeront jamais à franchir. Nous respectons toutes les idées ayant un but moral. Celui de la tempérance est du nombre. Les hommes qui travaillent dans cette direction pour le bien de leurs semblables, qui s'oublient dans l'abrutissement de l'ivrognerie, méritent la recommandation et l'appui de l'opinion publique. Mais ils doivent se passer de la force des bulletins d'une élection politique. Le champ d'action est libre aux hommes de la tempérance. Ils peuvent faire de la propagande par la presse, les assemblées publiques, les discours. Et surtout, par l'exemple. Ils ont tous les moyens à disposition pour provoquer l'agitation nécessaire et arriver autant que possible à la réalisation de leurs idées. Mais qu'ils aient en même temps la sagesse de ne pas s'imposer à un parti politique pour l'enfoncer comme cela est déjà arrivé plusieurs fois. En affaires politiques, c'est le nombre qui l'emporte. Quand on est quatre d'un côté et trois de l'autre, les premiers commandent et les derniers sont condamnés à l'obéissance. Partout, le commandement doit être à quelqu'un. Dans les pays monarchiques, il appartient à l'empereur, au roi, à la reine ou au prince. Dans les pays républicains, c'est le tour de la majorité. Pour obtenir cette majorité et la conserver, il faut toute l'expérience des premiers chefs d'un parti politique. Chaque faute est immédiatement et nécessairement suivie de sa punition. Si le Parti républicain du Massachusetts veut remporter la victoire cette année-ci, qu'il s'appuie sur le principe de la vraie liberté qui ont, de tout temps, constitué le programme qui lui a permis de se placer à la tête de la civilisation dans notre pays. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.